Cette phrase commence à résonner dans la tête de certains et certaines, entre autres parmi les jeunes générations à qui on laisse une société à la dérive, une dette économique, sociale et écologique sans précédent. L'incohérence de notre système planifie une croissance illimitée avec des ressources qui sont, elles, limitées. Une croissance, mais à quel prix? Comment éviter la catastrophe écologique avec une exploitation des ressources à aussi grande échelle? Si l'on veut concevoir la vie sur plus que quelques générations, peut-on continuer à ce rythme effréné? Pourtant, plusieurs s'entêtent à vouloir continuer dans cette direction, du concret de la classe qui ne prend pas position contre le plan Nord et voudrait voir la hausse des frais assumés par le pillage des ressources, aux syndicats qui critiquent timidement les cadres législatifs entourant le projet, espérant un peu de travail pour leurs syndiqués, en passant par certains groupes écologistes réformistes. Plusieurs y voient une opportunité de retirer davantage de bénéfices, de demander plus de redevances. Chacun, chacune tire du côté de sa couverture, et ce sont bien des couvertures qui ont jadis été infestées pour museler celles-là et ceux-là même que le plan Nord veut dépouiller. Quel intérêt sert véritablement ce plan? Pour les personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui, le 20 avril 2012, au carré Philips, le plan Nord n'est que la continuation du modèle colonial d'exploitation du territoire. Je suis avec Dany Royer du comité organisateur du 20 avril. J'aimerais que vous me parliez des bases sur lesquelles vous avez appelé la manifestation d'aujourd'hui. Oui, là, vous parliez aussi de plusieurs groupes qui ne s'opposent pas nécessairement au plan Nord. Nous, on a décidé de se réunir. On est quelques groupes, soit universitaires ou des groupes communautaires, qui désirent se positionner véritablement et radicalement contre le plan Nord et pas juste pour négocier cette exploitation-là qui va se perpétuer dans le Nord. Puis, c'est ça, on est aussi organisé sous une base anticoloniale, anticapitaliste, c'est-à-dire que, justement, on aimerait qu'il y ait la possibilité pour les communautés du Nord de s'organiser et puis de veiller à leur propre autonomie au lieu d'imposer un modèle de développement qui ne leur appartient pas ou qui ne leur convient pas nécessairement. Donc, c'est ça, on essaie de voir à véhiculer un message, justement, plus radical par rapport au plan Nord pour apporter le débat ailleurs sur, justement, le développement économique qui va bénéficier aux grandes compagnies et à certaines poches qu'on connaît maintenant tout près du gouvernement libéral. Et qu'est-ce que c'est que le colonialisme au Québec en 2012? Justement, par rapport au développement économique qu'on impose dans les communautés et notamment dans les communautés autochtones à travers les différentes nations, on s'entend que le gouvernement libéral et même le gouvernement fédéral aussi essaient de négocier avec les dirigeants de certaines communautés, mais souvent c'est des dirigeants qui ont une organisation qui est plus ou moins démocratique. Donc, c'est pas nécessairement toutes les communautés aussi qui sont derrière leurs propres décisions. Donc, on a les mêmes conflits aussi comme nous, où il y a de la dissidence. Donc, par exemple, le gouvernement ici essaie de faire taire cette dissidence-là en disant que le plan Nord est approuvé par les peuples autochtones, ce qui est totalement faux. Donc là, on voit justement les peuples des communautés Innus, plusieurs communautés qui se rassemblent, qui essaient de porter une voix commune pour dénoncer cette destruction-là. Les destructions, justement, ils s'étalent pas juste sur le plan environnemental, mais aussi justement sur le plan culturel. Ça remet en question leur mode de vie et aussi la structure même des communautés et de la vie en société. Et justement, à qui va profiter finalement le plan Nord? On a quelques doutes. Présentement, là, il y a des allégations qui sortent présentement dans les médias. On le sait très bien que c'est des grandes compagnies minières qui ont manipulé en quelque sorte le gouvernement pour faire avancer le plan Nord. Il faut s'entendre que c'est un plan marketing. Dans le fond, c'est une façon de faire avancer un projet que Jean Charest dit que c'est un projet d'une génération pour créer des emplois et pour faire créer de la richesse, comme on dit. Mais nous, ce qu'on y voit, justement, c'est un groupe de personnes bien nanties qui, avec une arrogance tout à fait déloyale envers la population, s'en va dans le Nord et puis veut piller, saccager, harnacher les rivières, détruire les communautés pour le bien d'une économie qui, finalement, profite à une minorité dans notre société. Mais le plan Nord, il est déjà commencé depuis de nombreuses années dans le nord du Québec, là. Tout à fait. En fait, il y a déjà plusieurs compagnies. C'est juste que là, avec le plan Nord, Jean Charest justifie un investissement de plusieurs milliards de dollars pour construire les infrastructures, c'est-à-dire les routes qui vont servir qu'à cette industrie-là. C'est pas vrai que ça va servir aux chasseurs, comme il le prétend, ou encore aux communautés autochtones. Donc, c'est vraiment au service des entreprises. En plus, on leur offre, à travers ce plan Nord-là, à ces compagnies-là, en fait, des tarifs préférentiels à travers l'hydroélectricité par Hydro-Québec. Nous, on n'en profite pas, là. Donc, c'est encore les compagnies qui viennent ici. Jean Charest dit que c'est pour attirer ces compagnies-là, mais elles étaient déjà ici. Et puis là, dans le fond, ça ouvre la voie à une destruction encore beaucoup plus massacrante. Et justement, sur l'impact écologique que peuvent avoir une exploitation des ressources à aussi grande échelle, est-ce que vous avez une idée des répercussions qu'il peut y avoir? En fait, oui, justement, c'est important d'en parler. Quand on parle d'extraction minière, ça fait ressortir beaucoup de métaux lourds qui se ramassent dans les cours d'eau. Donc, ça pollue les sols, ça pollue les cours d'eau. Présentement, il y a des normes environnementales qui sont en vigueur, sauf qu'elles ne sont pas toujours respectées. Les compagnies minières préfèrent payer souvent les amendes à la place de posséder, clairement. Déjà là, en plus que les gouvernements, d'ailleurs au gouvernement fédéral, dernièrement, on a diminué les objectifs environnementaux, c'est-à-dire qu'on a enlevé un personnel qui était employé pour faire la surveillance, pour aller voir sur le terrain. Donc, il ne faudra pas se cacher que oui, il va y avoir de la destruction, puis qu'on n'aura plus de pouvoir là-dessus. Et autre chose, c'est que le plan Nord ouvre la voie aussi à l'exploitation de l'uranium qui va se procéder dans le centre du Québec, qui est dans un secteur où les bassins versants découlent par la suite vers le sud. Donc ça, c'est très dommageable pour notre environnement, mais aussi pour notre santé éventuelle, tout au sud du Québec, qui est la majorité où se trouve la majorité de la population du Québec. Donc, c'est très inquiétant. Dans votre invitation à la manifestation, vous appelez à bloquer le plan Nord, mais comment vous allez vous y prendre pour bloquer justement ce plan-là? Aujourd'hui, le plan Nord, en fait, on sait bien qu'il est en branle. Présentement, il y a un salon qui se déroule, un salon de l'emploi. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est juste de se faire entendre. Donc, faire entendre une dissidence et de dire que c'est pas vrai qu'on en profite parce qu'il va y avoir 25 000 emplois qui sont créés. On veut dénoncer l'exploitation, on veut dénoncer la destruction. Donc, on veut juste se faire entendre aujourd'hui à l'extérieur du plan Nord. Il y a une question que je ne vous aurais pas posée, que vous voudriez aborder? Bien, en fait, je pourrais parler justement. En fait, le plan Nord est déjà en place. On a déjà commencé, par exemple, la construction de barrages sur la Romaine, la rivière Romaine, hydroélectrique. On dirait que c'est un processus qui est déjà enclenché, puis que les populations n'ont pas nécessairement pu s'y opposer. Et même que, justement, il y a des communautés Innu qui s'y sont opposées par référendum deux fois plutôt qu'une, puis finalement, on va de l'avant de toute façon. Donc, il y a peut-être un déficit démocratique qu'on doit dénoncer aussi dans tout ce processus-là. Malgré tout, malgré que ça soit déjà en branle, on est prêt à faire tout pour bloquer ce plan Nord-là. Anti-colonialiste! Ah! Anti-colonialiste! Peu nous importe si c'est pour l'accumulation étatique ou celle du capitalisme d'ici ou étranger. Ce plan Nord nous menace comme partie du vivant et continuera l'assimilation et le génocide culturel et physique des premiers peuples d'ici qui ont vécu dans une relative harmonie avec ces territoires depuis des milliers d'années. Le plan Nord se situe dans un plan de colonisation qui existe depuis l'arrivée des premiers conquérants européens et qui s'est accéléré ici depuis les 60 dernières années. Dans ce sens, l'histoire du Québec moderne comme celle du Canada et des Amériques en général, c'est l'histoire d'une colonisation incessante, d'une destruction continue des souverainetés autochtones et du vivant en général. En ce sens, nous sommes solidaires et nous le voulons en action avec les peuples autochtones qui s'y opposent, les Innu avec un E d'une Itacinole aux opposants opposantes, gris, ainsi qu'à tous les autres membres en combat des autres nations. Parce que le plan Nord nous apparaît très clairement être la continuité de la colonisation des Amériques, par une civilisation totalitaire et écocidaire. Nous nous opposons à ce plan comme nous nous opposons à ses fondements. La domestication, le patriarcat, le colonialisme, le capitalisme, à ce qui fait la civilisation tout au moins telle que nous la connaissons. Avec les Inuits contre le Québec! Avec les Inuits contre le Québec! Bonjour, oui, mon nom c'est Élise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites aujourd'hui? Nous autres, on manifeste contre Hydro-Québec parce que qu'est-ce qui est arrivé avec les deux référendums qu'il y a eu à Ouachat-Malutenam, deux refus, deux fois le non. Puis que Hydro-Québec continue pareil, les pylônes, ça l'a pas fait à tout le monde parce que le référendum, il avait été dit deux fois non, mais il continue pareil. C'est genre comme un non-respect envers la communauté de Ouachat-Malutenam. Et en ce moment, la lutte que vous menez, est-ce qu'elle est seulement orientée vers Hydro-Québec ou vers aussi toute l'opposition au plan Nord? Nous autres, avec la marche, nous autres, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance des droits. On veut protéger le Nitassinam. Puis l'autre affaire, c'est vraiment non au plan Nord. On est contre le plan Nord. Puis toutes les personnes qui ont marché durant le trajet, c'était vraiment les trois choses qui leur tenaient à cœur. Puis que c'est peut-être pour ça que ça nous a permis d'avancer à chaque jour, malgré les ampoules, tout ça. Là, on a avancé tout le temps. Puis nous autres, on se dit que le territoire n'est pas à vendre. En ce moment, il y a le plan Nord. On le présente comme un nouveau projet, mais en fait, vous, dans les régions du Nord, le plan Nord, là, il est déjà en branle depuis des années et des années. Là. Ça exacerbe encore les divisions qui sont présentes. Oui, c'est sûr que dans nos communautés, il y en a qui sont d'accord avec ça, mais c'est pas toute la communauté. C'est ça qu'il faut se dire. Nos conseils de bande sont... Eux autres, ils sont genre comme en train de signer des ententes minières, là. Mais je me dis que c'est pas toute la communauté qui est comme ça. La communauté, ils pensent à sa génération future. Ils veulent laisser un territoire sain à leurs enfants, là, qui vont s'en venir. Puis je me dis, oui, si pour se battre, il va falloir qu'on le montre parce que quand même, on peut pas laisser ça comme ça. On peut pas laisser le territoire laisser le gouvernement détruire les territoires pareils. Moi, le message que je lance, c'est à tous les peuples autochtones de prendre la peine de penser que le plan Nord est vraiment dévastatrice, qui va vraiment briser le territoire. Puis je me dis que présentement, on était 14 marcheurs quand on avait commencé, mais là, on est rendu à 44. J'invite toute la population de toutes les communautés, qu'on ne soit pas juste une communauté de Ouachat-Malutenam, la communauté de Ekwandjit, la communauté de Natashquan, qu'on soit le peuple uni, puis j'invite aussi tous les Québécois parce que plus on va être fort. Aujourd'hui comme hier, contre le colonialisme, non le son sans frontières et au nord, au sud, aujourd'hui comme hier, contre le colonialisme. Nos luttes sont sans frontières! Déjà en 88, la compagnie Rio Tinto sévissait contre des populations paysannes, puis ont massacré 200 travailleurs en grève juste au 19e siècle. Ils commençaient déjà! Ils ont fait alliance avec le régime fasciste de Franco, ensuite en Espagne. Puis ensuite, dans les années 80, la multinationale a poussé le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à recourir à l'armée pour exercer de sanglantes représailles après des sabotages menés dans les mines par des ouvriers. Un procès est toujours en cours. Des paysans d'Indonésie, de Colombie, du Nevada aux États-Unis ont témoigné de l'exploitation, dans certains cas, de la terreur pure et simple que Rio Tinto a fait subir à différents endroits sur la planète. De l'Australie au Brésil, en passant par la Norvège, les Philippines ou la République tchèque, Rio Tinto se distingue par le nombre impressionnant de crimes commis. Évidemment, en ce moment, il y a Rio Tinto Alcan, c'est pas comme si Alcan, c'était vraiment plus glorieux. Ils ont fusionné, puis c'est maintenant Rio Tinto Alcan qui a près de 800 travailleurs en lockout à Alma, en ce moment même, depuis le mois de janvier. Ces profiteurs font leur publicité sur les Bixi, partout, ils payent des affaires, ils mettent des trucs en aluminium un peu partout pour faire croire qu'ils sont gentils, mais il faut mettre de l'avant et faire connaître les crimes commis par ces compagnies-là. Les profiteurs ont des noms et des adresses. Thank you. Organize this fucking class war! Organize this fascist state! This is fucking class war! Organize this fascist state!